Les boss de fin de niveau, ils me pulvérisent. Toutes les grosses attaques, je me les bouffe. Devant moi, les autres joueurs rigolent. Parce que je suis né pour perdre. Même si ma console a peur, quand je veux l'allumer, rien ne m'empêchera d'essayer de jouer. Attention, il me suffira que je me prenne une branlée pour me faire perdre et me faire disjoncter. Je sais que tout le monde résiste à tous mes faux pouvoirs. Ma connerie fait chaque fois des ravages. Face à tous mes pires ennemis, je ne recule devant rien. Non, moi je ne m'inclinerai jamais. Je suis un no life et puis va pas croire que je vais éteindre pour faire un petit tour dehors. Je suis tellement nul, je peux toujours crier. Personne ne viendra pour me dépanner. Game over, j'ai encore perdu ma partie. Putain de sa mère, faut que je recommence. Je suis vraiment maudit. Les jeux, ça me rend barjo. Je suis en train de m'exploser le cerveau. Game over, ça y est, je vais me mettre à chialer. Pourquoi je m'emmerde sur ce jeu débile qui va me faire terner. Et la victoire est là, elle est là, mais seulement elle vient pas. La défaite est au bout du chemin. Game over, try again. Soir juste après l'école, je rallume la console pour une partie de Final Fantasy. Au lieu de faire mes devoirs, je le regrettais déjà. Y'a un chocobo qui a grimpé, Yuna. Maintenant je suis devant mon PC, toujours à galérer. Je viens de me connecter sur Slayers Online. Une sorcière où c'est arrivé, elle s'appelait Lina. En 2 secondes j'étais déjà désintégré. Y'a qu'à moi que ça arrive et ça ne me fait pas rire. Je me suis échoué sur une vieille Nintendo. Mais Mario, dès qu'il touche une tortue, un Goomba, il clappe sans criant Mamma Mia. Game over, j'ai encore perdu ma partie. Putain de sa mère, faut que je recommence. J'suis vraiment maudit. Les jeux, ça me rend barjo. J'suis en train de m'exploser le cerveau. Game over, ça y est, je vais me mettre à chialer. Pourquoi je m'emmerde sur ce jeu débile qui va me faire terner. Et la victoire est là, elle est là, mais seulement elle vient pas. La défaite est au bout du chemin. Game over, try again. Game over, j'ai encore perdu ma partie. Putain de sa mère, faut que je recommence. J'suis vraiment maudit. Les jeux, ça me rend barjo. J'suis en train de m'exploser le cerveau. Game over, ça y est, je vais me mettre à chialer. Pourquoi je m'emmerde sur ce jeu débile qui va me faire terner. Et la victoire est là, elle est là, mais seulement elle vient pas. Game over, j'ai encore perdu ma partie. Les jeux, ça me rend barjo. J'suis en train de m'exploser le cerveau. La défaite est au bout du chemin. Game over, try again. Game